18-5, activation, prononciation, voyelle non distinguée. Écoutez et répétez les mots et expressions suivants. Faites attention aux parties en italique. Prononcez un son de voyelle court et net. Idée. Bébé. Été. Café. Mouton. Journée. Porte. Rapport. Poste. Mot. Bizarre. Bras. Ça ne veut rien dire. C'est le nom de ma mère. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est une femme d'affaires. Il fabrique des autos. Sur les grandes routes.